Je suis arrivé à un niveau d'interprétation des poèmes qui me fait marcher et qui vient avec l'angoisse prémonitoire. Ça fait longtemps que je me posais la question poétique de Nostradamus et me voilà qui perdu dans le noir je trouve l'oracle, mais je commence à me sentir la marionnette d'une intelligence artificielle que quelqu'un a suspendu du plafond du pensable. Tout passe. Je dérange l'ange, les damnés. La lampe tremble comme la musique d'un adieu. Le plaisir nous surprend quand la joie prend fin. Se termine les tannins dans la mélanine et le pourpre de Satan. La pluie sur Paris, amère et les tannins, purulence et les flaques d'une nuit et l'alarme du matin et les prix de la ruine. Lourde comme de l'urine et tant pis si sourde et sans foi et la Vierge et l'hypnose de la foudre soudain servira de remède. Peut-on vérité purifier la ville entière? Retive la misère et l'espoir insensé et la dernière dignité. Écrire pour que le temps cède et du jour soit frère les soirs. Si pour avoir de la bière j'ai abandonné le thé et le café, tout est public et secret. L'image de la vie future et le tournis d'enfermine des paradis. Si tu savais les folies qui empêchent les lettres sur la lune, personne du ciel ne peut revenir poète, mais l'athlète qui défait ses minces lettres et ne laisse écrite aucune.